Chapitre 10e, le doigt de Dieu. C'est ce dernier cri qu'avait entendu Elim. « Sciez, enfant, dit-il, sciez !» Les rames frappèrent le flot à l'inverse et le bateau se rengagea sur le sable. « Arrêtez !» cria une voix qui allait se rapprochant. « Arrêtez ou nous faisons feu !»« À moi, mes amis, dit Elim, un seul pour garder le bateau, à moi tous les autres !» Et il sauta à terre, un pistolet à chaque main. À 20 pas, il trouva Jane immobile et étendue comme un cadavre. Il la prit dans ses bras et l'emporta vers le bateau. Mais Jane était poursuivie de près. Elim se retourna, à 2 pas de lui était Cabaret, devançant ses compagnons. « Arrête-toi même ou tu es mort !» s'écria Elim. Le bandit s'arrêta. Seulement ce fut pour porter la carabine à son épaule. Mais avant que la joue eût appuyé sur la crosse, Elim faisait feu, un éclair brilla dans l'obscurité, et Cabaret, frappé au cœur par la balle du lieutenant, roulait sur le sable. Elim sauta dans le bateau. « Maintenant, ramez, enfant! Ramez comme pour entrer en paradis! Il s'agit non seulement de notre vie, mais encore de la sienne !»« La jeune maîtresse !» s'écria Yorsko. « Bien joué, lieutenant !»« Feu !» cria une voix du rivage, en indiquant la barque, qui s'éloignait rapide comme un oiseau de mer attardé. Les balles se perdirent dans les ténèbres. Une d'elles seulement, en frappant la mer, faillit jaillir l'eau jusqu'au visage de Jane. « Merci pour l'honneur que vous nous faites, messieurs !» cria Yorsko. L'eau que la balle avait fait jaillir, en retombant sur le visage de Jane, fit rouvrir les yeux de la jeune fille. Elle était dans les bras de son amant. « Elim, cher Elim » cria-t-elle, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut long et tendre. Les pauvres enfants s'étaient crus séparés pour toujours, et voilà que le doigt de Dieu les réunissait. Tout à coup, Elim sentit qu'on lui touchait l'épaule. C'était Yorsko. « Eh bien ?» demanda Elim. « Comment ? Vous ne voyez pas ? Quoi ? Qu'on ne voit plus rien, lieutenant ?» En effet, un brouillard épais venait de se répandre à la surface de la mer. « Pas un coup de rame de plus, j'entends les brisants !» Les matelots s'arrêtèrent, Elim posa Jane sur le banc et se souleva pour écouter. « Les brisants sont à droite, » dit-il. « Et à gauche, lieutenant, » dit Yorsko. « Entendez-vous ?» En effet, des deux côtés, on entendait ce bruit sourd que font les vagues en se heurtant sur les rochers. Elim regarda Jane avec terreur. « Nous nous sommes égarés, lieutenant ?» demanda un des matelots. « Non, » dit Elim. « Au contraire, je sais trop bien où nous sommes. »« Il y a sans doute une passe, » dit Yorsko. « C'est possible, » fit Elim. « Mais qui nous l'indiquera ?»« Ce douanier, qui est couché là au fond, » dit Yorsko. « Il me semble que depuis qu'il se promène sur la côte, il doit la connaître. » « Tu as par ma foi raison, Yorsko. Débaillonnez-le, mais sans lui délier ni les mains ni les pieds. » Puis se tournant vers la jeune fille, « N'aie pas peur, ma Jane, » lui dit-il. « De quoi veux-tu que j'aie peur, Elim ? Ne suis-je pas sûr de mourir avec toi ?» On débaillonnait le douanier. « Les brisants ! Les brisants ! » s'écria-t-il dès qu'il recouvrait la parole. « Bon, il en a peur, » dit Elim. « Eh bien oui, les brisants !» Mais il y a une passe, » reprit le douanier, dont la terreur augmentait au fur et à mesure que le bruit devenait plus sensible. « Es-tu capable de la trouver, la passe ?» dit Elim. « Je te promets non seulement la liberté, mais encore 100 ducats de récompense. Les yeux bandés, je la trouverai bien, lieutenant. Délie-lui les mains, et cédez-lui le gouvernail. » On délia les mains du douanier, il s'assit au gouvernail. Elim s'assit près de lui et arma son second pistolet. « Au premier mouvement que tu fais pour nous ramener à la côte, « tu es mort. »« Bien, bien, » dit le douanier, visiblement effrayé du bruit des vagues contre les rochers et en appuyant le gouvernail à tribord. « Nagez, nagez ferme !» Elim répéta le commandement en russe. Les matelots se courbèrent sur leur rame. La petite barque bola à la surface de la mer. « Pas trop près de la côte !» cria Elim. « Mais voyez donc à bâbord !» lui dit le douanier. En effet, une longue ligne d'écume brillait au milieu de l'obscurité. Et comme le brouillard était épais, il était évident que la barque côtoyait les brisants à 20 pas à peine. « Il sera impossible de tenir la pleine mer dans une barque par avant pareil, lieutenant Elim, » dit un matelot. « Aimes-tu mieux retourner à terre et tomber dans les mains des Français ?» répliqua Elim, puis se tournant vers le pilote. « Courage !» lui dit-il. « Je joue ma peau en même temps que la vôtre, » répondit le douanier. « Vous pouvez donc être tranquille, je ferai de mon mieux. » C'était la meilleure réponse qu'il put donner. Elim reprit Jane dans ses bras et l'enveloppa dans son manteau sous prétexte de la garantir du froid, mais en réalité pour lui cacher le danger. Moins résigné qu'elle, il se disait que ce serait un sort cruel que celui qui les eut réunis un instant pour les séparer à jamais. Mais il avait gardé l'usage de la vue et ne quittait pas cette ligne d'écume dont le bruit incessant remplissait ses oreilles de terreur. Enfin, il lui sembla qu'il y avait une interruption dans cette ligne et que sur une largeur de 3 ou 4 encablures, la mer avait son mouvement naturel. « La passe, » dit-il au douanier. « Sacrebleu, je la vois bien, » répondit celui-ci, et il appuya la barre à bâbord. La petite embarcation obéit au gouvernail comme un cheval bien dressé à la bride, et en un instant, elle eut dépassé la ligne des rochers et se trouva en pleine mer. Mais le danger était pire, peut-être. La brise était forte, et comme l'avait dit Yursko, il était impossible de tenir la mer dans une pareille embarcation. En même temps, le brouillard devenait plus épais. « J'ai fait tout ce qui dépendait de moi, » dit le douanier, découragé. « Maintenant, tuez-moi si vous voulez, mais je ne puis faire davantage. »« C'est vrai, » dit Elim, presque aussi découragé que lui. Et serrant Jean sur son cœur, il laissa retomber avec un soupir sa tête sur la tête de l'enfant. Il était évident, pour lui, que dans ce frêle canot, il ne ferait pas un quart de lieue en mer sans être submergé. Tout à coup, elle releva la tête. Il venait d'entendre le bruit lointain d'une cloche. Nulle part, comme en mer et pendant la nuit, un son de cloche ne se fait entendre. On dirait un oiseau aux ailes de bronze qui rase les flots. « 1, 2, 3 », compta Elim, et le dernier coup laissa après lui une longue vibration. « Ce bruit-là ne vient pas de la terre, lieutenant. La terre est trop loin, » dit Yursko. Une idée illumina l'esprit d'Elim. Il se tourna vers le pilote. Le regard du Hollandais brillait de joie, fixé dans la direction du bruit. « Je comprends, » lui dit Elim. « Nous sommes dans le voisinage de ton sloop, celui qui vient de piquer l'heure. »« Probablement, » dit le Hollandais. « Combien d'hommes ?» demanda Elim. « Assez pour vous pendre au vergue. Tous tant que vous êtes en guise de lanterne. » « Dans tous les cas, tu ne jouiras pas de ce spectacle, mon ami, » dit Elim, « attendu que tu seras mort auparavant. » Alors, fronçant le sourcil et lui appuyant le pistolet sur la tempe, « Combien d'hommes ? » répéta-t-il. « 12 », répondit laconiquement le douanier, en voyant que le jeune lieutenant ne plaisantait pas. « Très bien, » dit Elim, puis se tournant vers les matelots. « Mes amis, » dit-il, « le bon Dieu nous envoie un bâtiment qui tient dans la mer, lui. Il ne s'agit que de le prendre. » « En ce cas, lieutenant, c'est fait, » répondit Yursko. « 12 hommes d'équipage. Ils ne sont pas avertis, nous le sommes. Le proverbe dit qu'un homme averti en vaut 2. Nous sommes donc 12 contre 12. Il n'y a que la jeune maîtresse, » ajouta Yursko en faisant signe de tête et en désignant Jane. « Un de vous la gardera. Alors nous ne serons plus que 5, c'est-à-dire que 10 contre 12, mais... »« Oh, les douaniers, des douaniers hollandais, » fit Yursko. Tout cela se disait en russe, de sorte que Jane n'en pouvait rien entendre. « Enfant, » continua Elim en s'adressant au matelot, « vous avez compris, n'est-ce pas? Vous jouez gros jeu. Mais devant cette parole, il faut. Nul de vous ne reculera. Je l'espère. D'ailleurs, je vous montrerai le chemin et vous me suivrez. À travers l'eau comme à travers le feu, en paradis comme en enfer, » répondirent les marins d'une seule voix. « Merci, enfant. Avec vous, je prendrai la lune. Examinez les fusils, et dès que nous aurons accosté le sloop, sautez dessus et tuez tout ce qui résistera. » Puis se retournant vers le douanier pilote, « Et toi, lui dit-il, tu sais nos convictions. »« Nagez, » dit le pilote. Et il donna au gouvernail la direction nécessaire. Au bout de quelques minutes, on aperçut le bâtiment qui se balançait tranquillement sur les vagues. À bord se promenait une seule sentinelle. Elim vit au mouvement qu'elle fit qu'on était découvert. « Attention !» dit-il en appuyant de nouveau son pistolet contre la tempe du pilote. « Qui vive ?» cria la sentinelle. « Réponds !» dit Elim. « Le diable à 4 !» cria le douanier. « Bon diable !» murmura la sentinelle. « Bon diable !» Et se retournant sans soupçon aucun, elle appela l'officier. « Est-ce que je vais te quitter, Elim ?» dit la jeune fille effrayée. « Je ne veux pas, ne fût-ce que pour un instant. « Eh bien, cramponne-toi à mon cou, nous y sommes !» En effet, la barque avait accosté le sloop. Elim enveloppa Jane d'une main, de l'autre se cramponna à un cordage et sauta le premier sur le pont du sloop. Les 5 marins russes suivirent leur lieutenant. La sentinelle voulait crier, elle ouvrit la bouche et la referma dans l'eau. Les Russes étaient maîtres du pont. Elim prit sa bourse et la jeta au douanier resté dans le canot. « Tiens, lui dit-il, un Russe n'a que sa parole. voici donc d'abord ton argent. Ta liberté, tu l'as. Et quant à ta vie, cela te regarde, l'ami. Tu as bien trouvé ton chemin pour venir, tu le trouveras bien pour t'en aller. » Puis, s'adressant à ses hommes, sans s'inquiéter du douanier, qui, une rame à chaque main, s'éloignait déjà du bâtiment, « Ami, dit-il, fermez solidement les coutils des matelots, je me charge de celle des officiers. Où vas-tu ? » demanda Jane. « Faire, selon toute probabilité, une visite au capitaine Montane, dit Elim. « Mais comme il est garçon, les femmes ne peuvent pas se présenter chez lui. Assieds-toi donc là, et attends-moi. » Rassuré par le ton de plaisanterie qu'affectait son amant, Jane fit ce qu'il désirait. Elim l'enveloppa de son manteau. Il ne voulait pas, l'égoïste fiancé, perdre une feuille de rose des joues de la jeune fille. Puis il descendit doucement par l'escalier des officiers et, guidé par une voix, se dirigea vers la porte de la cabine. Elim s'assura que la clé était en dehors et, baissant la tête, il appliqua son œil au trou de la serrure. Il ne s'était pas trompé. Le capitaine, assis à table avec deux de ses lieutenants, buvait à plein verre le champagne. « Ah, capitaine, disait un lieutenant, cette affaire à vous, parole d'honneur. » « À la santé de Mademoiselle Jane, » dit l'autre. « À la santé de Jane, » répéta le capitaine en appuyant sur le nom de baptême dépouillé de son escorte. « Merci, messieurs. » Et les trois douaniers vidèrent leur verre. « Va chercher tes camarades, » dit Elim à Yorsko. « Je comprends, » dit celui-ci. Il s'éloigna sur la pointe du pied. Elim continua de regarder et d'écouter. Le capitaine déboucha une troisième bouteille. « Et le bien-aimé ?» demanda un des lieutenants. « Qu'en faites-vous, capitaine ?»« Ah, lui, c'est autre chose, » dit Montane avec son mauvais sourire. « Lui, on l'amène ici bien lié et bien garrotté. Après quoi, pour qu'il ne nous vienne pas ennuyer de ses doléances amoureuses, nous l'expédions en France. »« Nous sommes là, mon lieutenant, » dit Yorsko. « Bien, » répondit Elim. « Silence, et agissez selon que vous me verrez agir. »« Eh bien, capitaine, » dit un des lieutenants, « soyons généreux. »« Je ne demande pas mieux, » dit le capitaine, et se renversant sur sa chaise avec un air plein de fatuité. « Dites, lieutenant, dites. À la santé du pauvre amoureux. C'est bien le moins que vous lui deviez, capitaine. Ah, cap des dieux, comme dit Cabaret. C'est une bonne idée, » s'écria Montane. « À la santé du pauvre amoureux, comme vous avez dit. Et je n'ai qu'un regret, c'est qu'il ne soit pas là pour nous faire raison. » « Que votre désir soit comblé, capitaine, » dit Elim en ouvrant la porte. « Il y est. » Les trois douaniers regardèrent, stupéfaits, le nouveau venu qui sortait on ne sait d'où. Elim s'avança jusqu'à la table, remplit un verre, et le levant au-dessus de sa tête. « À la santé du pauvre amoureux » répéta-t-il, puis se retournant vers les marins. « Criez hourra, vous autres !» leur dit-il en russe. Les marins crièrent hourra d'une seule voix. Elim vida son verre. « Eh bien, messieurs, » dit-il, « vous ne buvez pas ?» Le capitaine Montane, qui avait reconnu Elim, tremblait tellement que son verre se vidait tout seul. Les deux autres officiers, ne pouvant comprendre ce qui se passait, posèrent leur verre sur la table et portèrent la main à leur épée. « Pas de résistance, messieurs, » dit Elim. « Nous sommes maîtres de votre bâtiment, et si vous en doutez, en voici la preuve. Entrez, mes braves !» Les cinq matelots entrèrent le fusil à la main. « Capitaine, » dit Elim, s'adressant à Montane, « voilà un de ces tours comme nous en joue parfois la destinée. Au lieu que ce soit vous qui me teniez, c'est moi qui vous tiens. Au lieu que ce soit moi qui aille me promener en France, c'est vous qui irez faire un tour en Russie. Mais vous n'êtes pas malheureux. Vous y arriverez pour le traînage. Beaux armes, messieurs. » Il n'y avait pas de résistance à faire. Les trois officiers rendirent leurs épées. « Yorsko, » continua Elim, « conduis ces messieurs dans la cabine du lieutenant. Nous avons besoin de celle-ci pour une dame. »